lâcher du tout parce que André elle te connaît que bagage qui va arriver petit là. André elle te connaît ça, t'es senti ça, c'est ça que fait que bébé dit là dit ça va te faire dire maman ou est-ce que j'ai nom ça en face là quand j'ai appelé les gardes tout dans la femme yeux tout maman dit bébé dit moi si c'est pas pour bien c'est pour mal. Il vit bien, ma recevoir l'en bien. Il vit mal, ma servir l'en mal. Aïe aïe. Et puis Dieu, comment ça le fait? Il traversait, il dit bonjour la mère. La